Le vice-ministre de la Santé publique de la République populaire démocratique de Corée, Kim Hyung-hoon, a envoyé respectivement le 12 courant au directeur exécutif du Fonds onusien pour l'enfance, au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et au directeur exécutif du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le malaria, du fait que la livraison des matériels d'assistance sanitaire des institutions internationales envers la Corée est prolongée à cause des menaces de sanctions américaines. La lettre apprécie la coopération active des institutions intéressées depuis 2010 pour la mise en terme de la tuberculose et du malaria en Corée et dénonce la situation et les conséquences causées par la pression américaine envers d'autres pays sous prétexte de résolution de sanctions de l'ONU. Certains pays et compagnies craignent l'autorisation de livraison des matériels d'assistance et leur transport et d'ajouter. Suivant le plan de coopération contre le malaria de cette année, le Fonds onusien pour l'enfance a commandé en novembre de l'année dernière aux compagnies pharmaceutiques françaises et indiennes 24,4 tonnes d'insecticides de moustiques au total, mais ne les a pas encore livrées en raison de ne pas avoir trouvé les compagnies de transport, bien que 8 mois ont déjà passé. Les équipements de rayons X ambulants et réactifs à usage de diagnostic de la tuberculose aussi ont été retenus pendant 6 mois au port de Dalian, Chine, au cours de leur transport en décembre de l'année dernière et n'ont été délivrés qu'à mi-mai de cette année sous prétexte de leur duplicité. Par conséquent, le travail pour mettre fin en Corée à l'état d'épidémiologie du malaria jusqu'en 2018 a été entravé à la dernière étape et surtout, de sérieux problèmes sont causés dans le traitement des tuberculeux. Nous tenons à signaler que l'actuelle situation où même la coopération humanitaire de l'ONU est dégénérée en objet politique inflige d'énormes dégâts à la coopération sanitaire normale des institutions internationales pour la protection de la vie de l'homme et pour l'amélioration de la santé. Nous exigeons aux institutions internationales intéressées de prendre des mesures adéquates et résolues du fait que le transport de leur matériel est un problème à remettre en bonne voie que l'ONU doit naturellement prendre en charge.